Jusqu'au 21 avril 2024, la Fondation Cartier pour l'art contemporain présente Le souffle de l'architecte, une exposition inédite de Bijoy Jain, fondateur du studio Mumbai et figure incontournable de la scène architecturale indienne. Dans cette création totale explorant les liens entre l'art, l'architecture et la matière, il déploie, en dialogue avec le bâtiment de Jean Nouvel, un espace de rêverie et de contemplation. Une expérience physique et émotionnelle à vivre à la Fondation Cartier. France Culture avec philosophie. Philosophie et psychanalyse, c'est notre série cette semaine. Elle est composée de 5 émissions déjà diffusées dans le cadre d'autres séries et réunies ici. Aujourd'hui, l'inquiétante étrangeté. Étrange ce générique, n'est-ce pas ? Peut-être même inquiétant, vous avez sans doute déjà reconnu. Voici en tout cas mes invités. Isabelle Alfandari, bonjour. Bonjour. Vous êtes philosophe, professeur de littérature américaine à l'université Sorbonne Nouvelle et psychanalyste. Bonjour Tristan Chétrit. Bonjour. Vous êtes docteur en philosophie. Vous avez soutenu le 12 décembre dernier votre thèse intitulée « Perfectionnisme et scepticisme dans le cinéma fantastique ». Elle a été réalisée, cette thèse, sous la direction de Sandra Laugier. Et bonjour Loïc Le Bihan. Bonjour. Bonjour, vous êtes à distance, en duplex depuis Nîmes. On remercie France Bleu Gare Lozère. Vous êtes professeur des universités en études cinématographiques à l'université Paul Valéry de Montpellier. Et vous avez notamment consacré un ouvrage aux diverses interprétations du film Shining de Stanley Kubrick. Il y a quelque chose de mal ici. Eh bien, vois-tu, canard, quand quelque chose se passe, ça peut laisser des traces comme sur la neige. Oh, disons, comme lorsqu'on laisse brûler un toast. Peut-être que des événements passés peuvent laisser une autre sorte de trace derrière eux. Non pas des traces que tout le monde peut voir, mais des traces que les personnes qui ont le shining peuvent voir. De même, elles peuvent voir ce qui ne s'est pas encore produit. Je crois qu'un tas de choses se sont passées ici, précisément dans cet hôtel, au cours des années. Et pas toutes recommandables. C'est quoi la chambre 237 ? Chambre 237 ? Vous avez peur de la chambre 237 ? Pas du tout. Monsieur Halloran, qu'est-ce qu'il y a dans la chambre 237 ? Rien du tout. Il n'y a rien du tout dans la chambre 237. Alors, défense d'entrée. Tu as compris, n'y entre pas. Eh oui, c'était bien au film Shining de Stanley Kubrick, ce film de 1980, que nous avons emprunté notre générique aujourd'hui. Et vous venez d'entendre une scène de ce film où le vieux chef cuisinier dit au petit garçon que celui-ci a des talents de médium. Il a le shining, ce qui signifie qu'il perçoit des traces du passé. Et en même temps, il lui dit de ne pas assouvir sa curiosité à propos de cette chambre 237. Loïc Le Bihan, cette scène vous paraît très importante pour installer notamment l'angoisse ou l'effroi, je ne sais quel mot employer, celle du spectateur, notamment dans Shining. Alors en fait, si je vous ai suggéré cet extrait de Shining, c'est à cause d'une raison simple, c'est qu'on l'a bien entendu là dans la version française que vous avez passée, hein, le film pour ma part m'est beaucoup plus familier dans la version originale évidemment du film, et en fait la version française, on entend le numéro de la chambre donnée, qui est la chambre 237. Si la version française s'était tenue au plus près de la version originale, ce qui aurait été dit et répété plusieurs fois par le petit garçon et surtout par le cuisinier, c'est la chambre 237. Mm-hmm. 237, c'est comme une ritournelle dans cette scène. Voilà, c'est la ritournelle, effectivement, de cette scène. Et en fait, si vous voulez, cette scène-là, par rapport à une autre scène dont je vous ai suggéré de passer un extrait, elle me semble assez symptomatique de ce qui a pu se passer dans le processus de création du film, d'une bascule qui s'est opérée dans le processus de création du film, d'un film qui avait été initialement pensé comme un film de genre, un film gothique. Il faut savoir que le film est une adaptation d'un roman homonyme de Stephen King, et qu'il a été co-scénarisé par Stanley Kubrick avec une spécialiste du genre qui s'appelle Diane Johnson, et que effectivement la chambre 217 est celle du roman de Stephen King. Mais le numéro de chambre, à partir du moment où il a été modifié, eh bien, ça a participé à l'accélération d'un passage, d'une logique de création qui voulait faire de ce film-là un film de genre assez proche des racines fabulaires du gothique du côté du conte, et qui s'est progressivement de plus en plus, on pourrait peut-être tenter un néologisme, c'est de plus en plus freudisé, si vous voulez, à partir de ce moment-là. Pourquoi ? Alors, parce que cette répétition, bon, ils ont changé le numéro. Il y a d'autres raisons, peut-être qu'on peut passer là-dessus. C'est devenu 237 au lieu de 217. Mais 237, c'est le fait qu'il y ait cette répétition et qui renverrait à quelque chose qui existe effectivement dans ce texte de Freud qu'il a écrit, repris en 1919, l'inquiétante étrangeté, dont nous allons parler, et qui évoque le retour du refoulé sur un mode souvent répétitif qui produit, qui fait partie de l'inquiétante étrangeté, qui éprouve celui qui subit ce retour du refoulé en lui. Alors, il y a l'effet de répétition, vraisemblablement, parce qu'effectivement, c'est une des matrices désormais d'un film qui est basé notamment sur un retour des formes très important. Il y a des formes très très répétitives dans le film. C'est un film très formaliste dans sa mise en scène. Mais il y a aussi le fait de découper le nombre en lettres, ce qui produit la possibilité d'entendre un code, si vous voulez. Oui. Voilà. Alors, bon, donc, c'est pas une idée initiale de Stanley Kubrick. C'est une idée qui vraisemblablement vient parce que dans le scénario de tournage, il n'est pas du tout spécifié qu'il faudrait l'énoncer de cette manière-là. C'est le cas pour d'autres scènes, mais ici, il n'est pas du tout prévu que le numéro de la chambre puisse s'annoncer de cette manière-là. Donc, c'est vraisemblablement au moment du tournage que la décision est prise de l'énoncer de cette manière. Et c'est aussi parce que, en fait, le changement du numéro de chambre s'est opéré très peu de temps auparavant, c'est-à-dire à peine une dizaine de jours avant le début du tournage, et que on peut considérer que en quelque sorte, à ce moment-là, une hypothèse qu'on peut avoir sur la genèse du film, c'est que Kubrick s'inspire d'un des exemples donnés par Freud dans son texte sur l'inquiétante étrangeté, lorsqu'il parle de la rencontre étrange avec le même nombre au cours d'une même journée. Oui. Et qui peut, voilà. C'est 62. Voilà, on y arrive. Et Isabelle Alphand arrive à prendre le relais. Parce qu'effectivement, voilà. Il y a un passage où Freud dit que la répétition du même dans une même journée est un signe d'inquiétante étrangeté, enfin, correspond à sa caractérisation. Par exemple, si vous allez à la piscine, vous êtes votre casier 62, puis vous réservez une chambre d'hôtel, c'est la chambre 62, vous retrouvez le chiffre 62 plusieurs fois dans la même journée. Je l'ai un peu adapté là, à notre époque, mais vous flippez. Voilà. Donc, Isabelle Alphandari, Freud écrit ce texte, il dit qu'il va le reprendre, il en avait fait une autre version en 1919. Et donc, qu'est-ce que c'est que l'inquiétante étrangeté? Alors, c'est un texte très célèbre du corpus freudien qui parle de ce que Freud appelle une variété particulière de l'effrayant. C'est un texte, on pourrait dire, de psychanalyse appliquée, c'est-à-dire que Freud va aller regarder, finalement, notamment dans la littérature, l'émergence de moments comme ça, inquiétants, lugubres, sinistres, qui nous mettent mal à l'aise, et va se demander pourquoi ces moments se répètent dans la littérature, à quoi ils correspondent, et quelles fonctions ils occupent pour la psyché, quoi, pour la vie. Et dans nos vies aussi. Et dans nos vies. Dans nos vies, dans le réel et dans la fiction. Exactement. Donc, à un moment donné, il suggère, et même assez fermement, que ce qui se ce qui se passe en réalité, c'est la remontée ou le retour d'un refoulé qui correspondait à la censure d'un désir interdit. C'est pour ça qu'il invoque le complexe de castration. Mais si on veut élargir le problème ou le dire en des mots peut-être plus simples, il y a le souvenir refoulé d'un désir interdit qui avait été censuré et qui revient. Oui, en tout cas des motions, parce que c'est pas forcément un souvenir au sens d'un souvenir qu'on pourrait se remémorer, qui aurait une forme de mémoire, quoi, qui prendrait la forme d'un souvenir tel qu'on peut le connaître, mais des motions très anciennes, contredites, refoulées, donc auxquelles on n'a plus du tout accès, et qui sont ranimées, littéralement revivifiées, dans l'espace d'un instant, une impression. Voilà. Il insiste sur ce mot d'impression. De sentiment. Parce que l'inquiétante étant jetée, c'est un sentiment. C'est pas du tout une idée ni un concept. C'est un sentiment qui donne accès à une chose à laquelle on n'a habituellement pas accès, c'est-à-dire à cette émergence de quelque chose de soi dont on peut rien dire, si ce n'est qu'on en a une connaissance qui nous effraie, on pourrait dire. Et un point essentiel du texte, annoncé assez tôt d'ailleurs dans le texte, c'est qu'au fond, ce qui nous paraît étrange et en un sens étranger, en réalité, renvoie, comme vous venez de le dire, à quelque chose de très intime, de très ancré en nous. Et c'est tout le jeu en allemand avec ce mot. Parce que comment ça se dit en allemand, l'inquiétante étrangère? Alors, ça se dit « Das Unheimliche ». Et d'ailleurs, le titre d'inquiétante étrangeté, c'est le titre que Marie Bonaparte a donné au texte lors de sa première traduction. Mais dans des traductions ultérieures, notamment une traduction récente, la traduction La Planche, le choix a été fait d'appeler ce texte « L'inquiétant ». Et pas l'inquiétante étrangeté. Parce que das Unheimliche, ça vient d'un mot allemand qui est heimisch, heim, qui veut dire le propre, la maison, ce qui nous est familier, ce qu'on connaît par nature. Et unheimlich, qui est apparemment la négation, l'antonyme de heimisch, qui veut dire inquiétant, justement. Pas tant étranger au sens d'une étrangèreté un peu conceptuelle, mais inquiétant. Et d'ailleurs, dans la musique de Shining, on entend à un moment, je ne sais pas comment le décrire, mais on entend des petits, on entend musicalement que quelque chose s'ouvre, des petits grelots, une espèce d'hésitation, de vacillement, et c'est ça. Donc, unheimlich, l'inquiétant ou l'inquiétante étrangeté, en fait, c'est le plus familier. Oui. C'est le plus ce qui semble le non familier, en fait, renvoie à du très très familier, et c'est ça qui crée cette impression typique. Oui, en fait, Freud commence le texte par regarder les dictionnaires, et notamment le dictionnaire d'allemand, et il s'aperçoit d'une chose qui l'intéresse beaucoup, à savoir qu'à heimisch, il y a toute une série d'acceptions, d'occurrences du terme, qui font finalement, à un certain moment, virer ce qui est le plus familier, heimisch, vers le plus étrange, unheimlich. Et il se rend compte donc qu'un mot et son antonyme finissent par avoir le même sens. Oui, parce que heimisch avait aussi le sens de ce qui est caché. Oui. Donc ça veut aussi dire unheimlich qui n'est pas caché et qui n'est plus caché. Et ce qui n'est plus caché, c'est du familier qui revient, oui, d'une certaine façon. Oui. Mais Freud dit clairement que ça n'est pas réversible. Le unheimlich n'est pas heimisch. C'est le heimisch qui devient, qui vire à l'unheimlich. C'est-à-dire qu'à force d'être familier, et l'exemple que donne Freud notamment à plusieurs endroits du texte, c'est le miroir, à force de se mirer, de se regarder soi-même, et on connaît apparemment son visage, on finit par lire dans l'image de son visage, oui, au miroir, quelque chose qui nous devient complètement étranger. Alors justement, le thème du double est une situation tout à fait familière, pour le coup, d'inquiétante étranger, tout à fait banale, que les films ont d'ailleurs beaucoup utilisé, à commencer par celui que nous avons évoqué, Shining, où il y a beaucoup de miroirs. Et Freud évoque une scène intime, où il s'est vu lui-même et il en a été effrayé. C'est Aïda Ndiaye qui va nous lire cet extrait de l'inquiétante étrangeté. Il sera intéressant d'apprendre l'effet que produit le fait de nous trouver face à face, brusquement et inopinément, avec l'image de notre propre personne. Ernst Mach relate deux observations de ce type. Dans le premier cas, quelle ne fut pas sa frayeur quand il reconnut que le visage qu'il voyait était le sien. Et dans le second, il porta un jugement très défavorable sur la personne apparemment inconnue qui montait dans son omnibus. Qu'est-ce que cette espèce de pédant déchu qui monte là ? Je peux faire état d'une aventure analogue. J'étais assis tout seul dans un compartiment de wagon-lit, lorsque sous l'effet d'un chaos un peu plus rude que les autres, la porte qui menait aux toilettes attenantes s'ouvrit, et un monsieur d'un certain âge, en robe de chambre, le bonnet de voyage sur la tête, entra chez moi. Je supposais qu'il s'était trompé de direction en quittant le cabinet qui se trouvait entre deux compartiments, et qu'il était entré dans mon compartiment par erreur. Je me levai précipitamment pour le détromper, et m'aperçus bientôt, abasourdi, que l'intrus était ma propre image, renvoyée par le miroir de la porte intermédiaire. Je sais encore que cette apparition m'avait foncièrement déplu. Au lieu donc de nous effrayer de notre double, nous ne l'avions tout simplement pas reconnu. Mais le déplaisir que nous y trouvions n'était-il pas tout de même un reste de cette réaction archaïque qui ressent le double comme une figure étrangement inquiétante. France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann. L'étrange est-il forcément inquiétant ? Avec Isabelle Alfandari, Loïc Le Bihan et Tristan Chétry, merci beaucoup à Aïda Ndiaye pour cette lecture d'un extrait de l'étrange l'inquiétante étrangeté de Freud, où le thème du double apparaît dans le vécu même de Freud. Il dit qu'en se voyant là, dans cette scène de train, il a été effrayé par lui-même. Isabelle Alfandari, est-ce que vous voulez commenter cette scène intime de Freud? Alors c'est une scène, oui, elle est très intéressante, elle est en note en bas de page d'ailleurs, donc c'est une manière de communiquer aussi pour Freud de manière un peu comme ça marginale sur lui-même, même s'il y a une autre mention biographique assez rare pour Freud dans ce texte, où il parle d'un moment où il se retrouve dans une ville italienne et il se retrouve toujours sous la même fenêtre où une femme de petite vertu attire son regard. Donc il y a au moins deux mentions autobiographiques très notoires dans ce texte, mais ce qui me paraît très intéressant, c'est le caractère à la fois ordinaire de cette scène et l'inquiétante étrangeté, ça émerge dans l'ordinaire, dans le plus quotidien. Et puis bien sûr le motif du double, de finalement de voir apparaître, et puis il y a un petit élément aussi comique, un peu ironique ou humoristique pour Freud, parce que ce type qui a une sale tête, en fait c'est lui. Freud se moque aussi de lui-même. Mais fondamentalement, c'est la figure du double dont Freud dit un certain nombre de choses dans ce texte. Il reprend notamment le texte de Rank, que Rank a publié en 1914, qui s'appelle Le Double. Et Freud dit l'un des motifs producteurs de l'inquiétant, de l'inquiétante étrangeté, c'est précisément le double. Parce que c'est moi, justement, qui suis familièrement mon facteur d'inquiétante étrangeté. C'est quelque chose de moi, toujours. Oui, parce que c'est quelque chose de moi qui vient de l'enfance, qui a été refoulé. Et qui est très angoissant, précisément, parce qu'il a été refoulé. Et ce « unheimlich », en fait, ce « un », ce préfixe, il dit le refoulement. Il dit quelque chose de soi qui n'est plus accessible et qui n'est finalement perceptible par hasard que dans des scènes du type de celle de la scène du train, du wagon qui vient d'être lu. Alors, justement, revenons à Shining. Il y a une scène, un peu plus tard dans le film, par rapport à celle que nous avons passée au début, où Jack est confronté à un personnage sans doute sorti de son imagination, un vieux maître d'hôtel de cet hôtel, personnage qu'à ce moment-là, il identifie, on va l'entendre, au meurtrier du passé, et qui va en réalité retourner cette accusation, si j'ose dire, sur Jack lui-même. Et Jack est en quelque sorte révélé dans son propre désir de meurtre. Ça, ce serait une lecture freudienne, mais peut-être qu'elle n'est pas bonne. Écoutons donc la scène. Comment vous appelle-t-on ici, mon vieux ? Grady, monsieur. Delbert Grady. N'étiez-vous pas le gardien ici autrefois ? Mais non, monsieur. Non, pas que je sache. Vous êtes un homme marié, sans doute, monsieur Grady. Oui, monsieur. Oui. J'ai une femme et deux fillettes, monsieur. Et où sont-elles maintenant ? Oh, elles sont quelque part par là, je ne sais pas au juste en ce moment, monsieur. Monsieur Grady, vous avez été le gardien de cet hôtel. Je vous ai reconnu. J'ai vu votre portrait dans toute la presse. Vous avez découpé votre femme et vos filles en petits morceaux. Et vous vous êtes brûlé la cervelle. Je regrette de vous contredire, monsieur. Mais c'est vous qui êtes le gardien. Vous avez toujours été le gardien. Donc si c'est lui le gardien, c'est lui qui a tué, c'est lui qui pourrait tuer. Loïc Le Bihan, vous avez, vous, une lecture freudienne de ce passage de Shining ? Écoutez, ce passage de Shining, il est là ce qu'on a, ce qui nous manque foncièrement, c'est l'image, parce que c'est une scène qui est extrêmement rigoureuse dans sa mise en scène, dans une mise en scène en miroir, littéralement. C'est-à-dire qu'on a une série de champs contre champs qui nous montrent les deux personnages et qui donnent la possibilité d'être troublés par l'échange des places entre les deux personnages dans cette scène. Et elle est assez emblématique de ce que j'ai indiqué tout à l'heure, c'est-à-dire de ce moment où la logique de création du film a viré, en quelque sorte, depuis un film qui devait être un film de genre gothique relativement proche du gothique d'institution, du gothique traditionnel, et qui est devenu un film qui est pris de part en part par la logique, par une triple logique de l'inversion, de la répétition, de la bifurcation, et qui est une matrice qui vient sans doute de la lecture du texte de Freud. Ce qu'il faut savoir par rapport à cette scène des toilettes rouges, c'est qu'elle n'était pas prévue dans ces toilettes rouges au départ, au moment où le tournage commence. C'est pour des raisons strictement économiques qu'il a été décidé de la faire à huis clos, alors qu'elle devait se dérouler dans la salle de bal attenante. Et c'est le chef décorateur, d'ailleurs, qui a choisi la couleur rouge de la décoration. Et Kubrick a manifestement, d'après les témoignages, passé énormément de temps sur le montage de cette scène dont il voulait qu'elle soit parfaite. Et elle est assez emblématique, en fait, effectivement, de ce qu'il essaye de produire, sans doute, d'une identification à un personnage qui se voit confronté à son potentiel double, qui est ce maître d'hôtel qui s'appelle Delbert Grady, et qui lui évoque furieusement, en fait, l'ancien gardien, celui qui s'est tué dans les lieux mêmes de l'hôtel, voilà, qui s'appelait Charles Grady, et dont il lui dit qu'il a vu sa photo dans des journaux. Et donc, comme on vient de l'entendre, en fait, cette suspicion est retournée contre Jack lui-même. J'aimerais demander à Tristan Chétrit, qui est un jeune philosophe qui travaille sur le cinéma fantastique. Donc, d'après vous, Tristan Chétrit, est-ce que le texte de Freud, L'inquiétante étrangeté, est une ressource importante pour analyser beaucoup de choses dans les films fantastiques? Oui, je pense que déjà depuis le début du cinéma muet allemand, et bien dans Nosferatu, on a déjà cette idée du double, dans Le cabinet du docteur Caligari aussi, oui, de Robert Wiener. Et il y a aussi, bien sûr The Shining de Kubrick, mais ensuite même avec Eyes Wide Shut, il a prolongé encore. Beaucoup de miroirs. Beaucoup de miroirs, exactement. Et puis aussi, on trouve aussi le thème de l'énucléation, par exemple, qui est très important aussi dans le texte de Freud quand il prend l'exemple de Der Sandmann, le marchand de sable, et qui est de Théa Hoffmann. Oui. Et qui est Parler avec Isabelle Fondari, qui est l'exemple que prend Freud lui-même. Allez-y, je vous laisse nous expliquer. Qui est en fait, alors, selon Freud, le maître de l'inquiétante étrangeté en littérature, quand même. C'est Hoffmann. Les contes d'Hoffmann, oui. Et donc, il développe ce thème qui est lié au complexe de castration. Et ça se retrouve aussi dans tout un pan du cinéma fantastique. Alors, récemment, on peut voir ça dans Miss Peregrine de Tim Burton, ou encore dans Coraline d'Henry Selick. La présence cachée de Hoffmann. Ou même, oui, même explicite, parfois, d'après vous. Oui, parce que... Par exemple, dans Miss Peregrine, on a vraiment cette idée des monstres qui prennent les yeux des enfants et qui vont les manger, exactement comme le personnage du marchand de sable dans le conte d'Hoffmann. Alors, le personnage du marchand de sable dans le conte d'Hoffmann, du même nom, hein, l'homme de sable, évoque, écrit Freud, le père redouté qui revient à la mémoire de ce Nathanaël qui est le héros, tel, je cite encore, un trouble fait de l'amour. Isabelle Alfondari, c'est un conte atroce. C'est un conte très inquiétant. en tout cas. Et c'est intéressant parce que ça recouvre beaucoup de choses, l'inquiétante étrangeté. Mais c'est vrai que Freud en prend un exemple qui juge un peu paradigmatique, qui juge particulièrement, qui justement un exemple qui transmet cette inquiétude. Quand on lit, on ressent. Encore une fois, je crois que la dimension du sentiment, et dans le film de Shining, c'est aussi présent. Ça se transmet dans le corps, quoi, l'inquiétante étrangeté. Et donc, juste pour revenir sur ce conte, donc c'est quand il était petit garçon, son père vérifiait que les enfants étaient couchés. On disait que s'il ne dormait pas, il enverrait du sable. Un jour, il a vu que c'était un ami de son père qui était dans un cabinet pas loin, un salon. Il s'est dit, c'est cet ami qui incarne le marchand de sable horrible qui jette du sable dans les yeux. Et cette apparition va revenir dans sa vie tout le temps. Va revenir Coppelius, le marchand de sable s'appelle ensuite Coppelius. Il a plusieurs visages et puis Coppela et puis il revient finalement. C'est le retour, quoi. Une figure paternelle, même si c'était l'ami de son père. Déplacement intéressant, mais qui ne... Une figure paternelle et qui est liée à la mort du père aussi. Oui. Parce que le père meurt, si j'ose dire, au contact de Coppelius. Donc c'est à la fois la figure du père castrateur, on pourrait dire, et une figure, qui est liée à une menace sur l'enfant. Et à chaque fois, notamment, que du désir sexuel apparaît, ce qui confirme en un sens la thèse de Freud. Vous êtes, Tristan Chetrit, aussi très intéressé par Batman de Tim Burton, qui a été un peu évoqué déjà. Tim Burton est un grand pourvoyeur d'inquiétante étrangeté. Et il y a notamment une scène qui vous intéresse dans le Batman de Tim Burton de 1989. C'est le moment où Bruce Wayne, qui est donc Batman, ce héros bon qui veut sauver tout le monde parce qu'il a eu un trauma infantile, ça personne ne le nie, se retrouve confronté au meurtrier même de ses parents. Et c'est ça, son trauma infantile. Et là, vous allez nous le commenter, ce passage, mais on va l'écouter. Et il sait très bien que c'est le meurtrier de ses parents parce que celui-ci va prononcer une phrase qu'il connaît depuis toujours, même si peut-être il ne se l'était pas dite, cette phrase qu'il avait prononcée en tuant ses parents. On l'écoute. J'aimerais savoir, mon ami, as-tu jamais dansé avec le diable au clair de lune ? Quoi ? Je demande toujours ça à mes proies. Je peux sourire, mais c'est très extérieur. Mon rire moqueur, un rien le désarme. Si vous sondiez mon cœur, tout baigné de larmes, vous verseriez avec moi un pleur. C'est un horrible, un atroce retour du refoulé traumatique, puisque cette phrase même est celle du trauma et que ce personnage veut maintenant le tuer. Tristan Chetrit, c'est en même temps un moment incroyable où notre empathie avec Bruce Wayne est absolue, puisque lui souffre absolument de ce trauma qui revient dans toute la partie refoulée, et nous, on est complètement avec lui. Exactement, et en fait, on pourrait faire une analyse du film où toutes les scènes, finalement, seraient une manière de revivre sans cesse ce traumatisme. C'est-à-dire, on pourrait voir ça comme comme la compulsion de répétition. De Freud, qui est évoqué dans ce texte inquiétant étrangeté. Et qui est donc la répétition non intentionnelle aussi, là, du traumatisme, et qui est, d'ailleurs, il le dit Freud dans le texte, qu'en fait, tout ce qui rappelle la compulsion de répétition ou qui est en rapport avec la compulsion de répétition fait naître cette impression d'inquiétante étrangeté. Et dès le début du film, par exemple, on se rend compte que la famille qui sort d'un cinéma et qui se fait agresser par des criminels, c'est comme une réminiscence déjà du souvenir traumatique de Bruce Wayne. Et en plus, ils vont voir exactement le même film, Footlight Frenzy, qui est à l'affiche tout le temps, même des décennies après, et pendant tout le film, qui est à l'affiche du cinéma. On se rend compte aussi que, par exemple, dans la scène qu'on a passée dans l'appartement de Vicky, même avant que le Joker prononce cette phrase « Have you ever danced with the devil in the pale moonlight ?»« As-tu jamais dansé avec le diable au clair de lune ?» Eh bien, quand Bruce Wayne va prendre un plateau en argent pour se protéger, en fait, on voit une petite poupée avec un collier de perles qui fait référence non seulement à l'enfance, mais aussi au collier de perles qui a été arraché à la mère de Bruce Wayne lors de l'assassinat de ses parents. Donc, plein de petits éléments comme ça qui reviennent tout le temps dans toutes les scènes du film, qui sont des éléments caractéristiques qui font toujours penser au souvenir initial du meurtre de ses parents. Est-ce que vous diriez qu'il y a une différence, par exemple, avec Shining, c'est que Bruce Wayne, Batman, vit dans cette répétition, et on le comprend, et évidemment ça fait toute l'intrigue du film, éprouve une inquiétante étrangeté tout le temps, mais pas nous. Nous, j'ai l'impression qu'on est surtout dans... On l'accompagne dans une douleur. Alors que dans Shining, l'inquiétante étrangeté de Jack, quand il voit son double, il perd pied complètement, et puis en plus il y a des désirs de meurtre qui nous font non seulement percer mais se réaliser, nous, on a peur avec lui. On est dans l'inquiétante étrangeté, nous aussi. Pas chez Tim Burton. Moins, non? Alors, en effet, ça pourrait être une objection. Maintenant, on se rend compte, si on regarde bien les scènes du film, qu'en fait, il y a des moments inquiétants qui aussi sont liés à cette histoire du souvenir refoulé, du souvenir qu'on découvrira plutôt qu'à partir des trois quarts du film. C'est-à-dire que, par exemple, dans le souvenir même, on a une contre-plongée, par exemple, quand on voit les parents sortir du cinéma, et c'est une contre-plongée qui donne quelque chose de très étrange. Mais en fait, quand on se rend compte que, par exemple, la contre-plongée, elle nous met donc au niveau du sol, et on voit donc les personnages sortir et qui paraissent très grands, eh bien, on se rend compte que dans Footlight Frenzy, et ça on pourrait le traduire par la frénésie des feux de la rampe, en fait, c'est toujours l'idée des feux de la rampe. Donc, en fait, on voit les personnages comme ça. De même. Donc, nous, on l'éprouve quand même. On l'éprouve. Ce que vous dites. C'est pas la terreur de Shining, c'est une autre sorte pour nous d'être. Oui, c'est plus subtil, en effet, le travail de Tim Burton. Alors, sur le langage, c'est vrai, il est très approfondi, et c'est on va dire une petite, et c'est plus l'idée d'être mal à l'aise, en fait. C'est le malaise qui nous fait sentir, et aussi aussi, par exemple, on pourrait prendre aussi l'exemple, les mains du Joker. Mm-hmm. On pourrait dire que quelque part le Joker, c'est ce meurtrier des parents qu'il retrouve et qui veut le tuer. Oui. Eh bien, en réalité, ce personnage-là, un peu comme le personnage du marchand de sable dans Der Sandman, c'est un personnage qui nous est familier. C'est un personnage qui, théoriquement, est Heimlich, vu que c'est en fait une figure de clown. Mm-hmm. Et en fait, on se rend compte que l'assassin des parents de Bruce Wayne, avec ce large sourire sadique, en fait, d'une certaine manière, ça lui a fait Il est complètement unheimlich. Exactement, il devient complètement unheimlich. C'est épouvantable, alors que la proximité devient l'horreur. Exactement, et il y a cette inversion Isabelle Alfandari, c'est effectivement une illustration impressionnante, peut-être même plus claire que celle de Shining. Est-ce que c'est aussi parce que l'inquiétante étrangeté dans la fiction, il y a celle des personnages et puis il y a la nôtre. Et puis ça peut ne pas être la même. Dans Shining, on est terrorisé face à Burton en Batman. On est mal à l'aise, mais aussi dans une empathie avec le personnage. C'est plus complexe. L'inquiétante étrangeté est variable dans ses effets. Oui, et elle n'est pas nécessairement de la nature d'une identification au personnage. Je pense c'est plutôt. Donc, on n'est pas forcément identifié au personnage qu'il a subi. On peut être plutôt ressentir un malaise. En général, c'est ça l'inquiétante étrangeté, c'est l'impression du malaise. Et quand vous disiez le personnage du Joker nous est familier, je dirais oui et non. À mon avis, il est surtout un personnage de l'enfance qui parle à l'enfant en nous. Le clown, ouais. Ouais, le clown. Donc a priori, de ce point de vue-là, on le pense familier. Mais immédiatement, on voit, ne serait-ce que vu la manière dont son sourire apparaît, enfin la manière dont il a été refait au niveau de la bouche, notamment cet endroit qui est si important dans la très petite enfance, qu'il y a quelque chose d'emblée qui, chez lui, devient éminemment inquiétant. You come along and that freaks me out. So I'm frightened. Ooh, Dracula's. I never ran from no one, but I'm terrified of you. See, my heartbeat is a slow one, but I'm terrified of you. I've been around for ages, but face, but yet I'm terrified of you. I wait my whole life to find the right one. Then you come along and that freaks me out. So I'm frightened. Dracula's wedding. You know I'm terrified. Oh, you know I'm terrified. You know I'm terrified. Stake, go back, choice of words, but I'm not the gun. Silver bullets. L'étrange est-il forcément inquiétant? Avec Isabelle Alfandari, Loïc Le Bihan et Tristan Chétrit, c'est de cela que nous parlons aujourd'hui. Et nous venons d'entendre Dracula's Wedding, en 2003, une chanson de Outkast Feat et Kellis. Ma question maintenant est la suivante. L'étrange peut être inquiétant, cela vient nous occuper un long moment en parlant de Shining, en parlant de Tim Burton et de Batman, en parlant surtout du texte de Freud lui-même, l'inquiétante étrangeté. Mais est-ce que l'étrange dans la fiction ne peut pas être aussi très agréable ou mêler des moments inquiétant et des moments agréables d'une manière très créative. Parlons d'un film que beaucoup ont vu, je vais le prononcer à la française, Mulholland Drive de David Lynch en 2001. Au début de ce film, une femme échappe à ses ravisseurs grâce à un accident de la route qui est inattendu. Elle dévale les rues de Los Angeles, elle trouve refuge dans un appartement chic. Le lendemain, une femme blonde, elle a été brune, Betty, arrive dans ce même appartement, qui est celui de sa tante, c'est donc un peu son appartement. Elle se trouve nez à nez avec cette femme qui est désorientée, qui dit s'appeler Rita, qui a de l'argent sur elle, ainsi qu'une clé bleue dans son sac. Mais qu'est-ce que vous faites? On s'arrête pas là? C'est ici que tu descends. Au fait, ton amie Rita, ça m'a fait un coup de la trouver ici. Tu vois, quand je suis arrivée, elle prenait une douche. Bah, Rita? Je comprends pas, là. Bah, elle a eu un accident. Mais Rita, ta copine? Ça doit être un malentendu. J'ai cru que vous étiez ici parce que vous connaissiez ma tante. Et là, je viens de parler avec elle au téléphone et elle m'a demandé d'appeler la police. Oh. Ça va, Rita? J'ai... Oh, pardon, Betty, j'avais... Mais dites-moi ce qu'il y a. J'ai cru que si je dormais un peu, le sommeil suffirait à... Suffirait à quoi? Je sais pas qui je suis. Vous savez bien que vous êtes Rita. Mais non! Je vous dis que non, mon nom, je sais pas. Je sais pas qui je suis. C'est un peu... bizarre, un peu étrange. Est-ce tellement inquiétant? Et ce film est-il uniquement dans le registre de l'inquiétude, Isabelle Alfandari? Non, je pense que ce film opère aussi une extrême séduction sur les personnes qui le regardent. Il y a de fait une espèce de jubilation à ce film, mêlée de moments d'inquiétude ou de profonde incompréhension. Je fais partie des gens qui n'ont rien compris, hein, donc je suis très à l'aise. Je pense qu'on ne comprend pas grand-chose, même quand on le voit plusieurs fois. Alors, il y a visiblement une manière de lire, de remettre ensemble les puzzles du film, mais c'est un film en puzzle auquel on ne comprend pas grand-chose, mais dans lequel on est quand même pris. C'est ça qui est assez fascinant. Et dans lequel il y a un clair moment d'effroi, à la fin, lorsqu'un véritable monstre apparaît. Enfin, je ne sais pas si c'est le bon mot. Oui, alors monstre. En tout cas, il y a une scène d'ailleurs qu'on peut remettre dans le puzzle comme une scène clé, une scène où se décide le meurtre par l'actrice ratée de celle qui est la femme qu'elle aime et qui ne l'aime pas en retour. Donc une scène avec le tueur à gages, la fameuse scène avec la clé bleue, ouais. Dans laquelle, dans un diner, donc dans une espèce de petit restaurant américain assez typique, et on attend quelque chose, on sort du diner avec les personnages et on tourne littéralement au coin du bâtiment. Et là, on voit apparaître, il y a un moment comme ça, alors là, plus que d'inquiétude, de création création d'un suspense horrible. On se demande ce qu'on va voir là. Et on voit une espèce de monstre. Ouais. Noir, qui figurerait le personnage maléfique de cette femme qui a demandé, enfin, qui fait tuer celle qu'elle aime et qui ne l'aime pas en retour. Et là, on retrouve aussi toutes les analyses, nous sommes passés un peu vite là-dessus, de Freud sur le rapport à la mort, hein, qui se joue dans l'inquiétante étrangeté. C'est une espèce de figure du néant. De la répétition. C'est-à-dire de ce qu'il y a de plus violent, de plus violent, de plus refoulé, de plus infantile, et auquel on n'a plus du tout accès, auquel on a accès par des figurations comme le monstre, le double, la répétition non intentionnelle. Tout ça, c'est des manières de figuration, de choses, de sentiments, d'impressions, de frayage auxquels on n'a plus du tout un accès conscient. Et cette scène de sexe, qui est souvent jugée assez excitante... Elle est très belle aussi dans son filmage. Entre ces deux femmes. Entre deux très belles femmes. Il y a aussi quelque chose là, bien sûr, c'est lié à la dimension érotique, enfin l'inquiétante étrangeté. Mais est-ce que c'est inquiétant ou c'est pas juste délicieux à voir ? C'est les deux. Je pense que dans le film, il y a vraiment un mélange très, très intéressant, très énigmatique, de plaisir intense, de jubilation, je trouve, du spectateur, en tout cas en ce qui me concerne, et aussi de moments dans lesquels, à la fois, on est pris dans une espèce d'incertitude, on ne comprend pas ce qu'on a compris, et à la fois des moments de vrai face à face avec l'angoisse. Ça vous intéresse, dans le cadre de votre réflexion à vous, sur l'inquiétante étrangeté, Tristan Chétrit, vous qui réfléchissez au film fantastique, ça vous intéresse cette ambiance David Lynch, typique David Lynch, enfin peut-être du grand David Lynch dans Mulholland Drive? Ah, bien sûr, et en plus, on peut dire qu'il y a toujours cette idée de la répétition aussi qui vient, et aussi des variations sur la répétition, où les personnages, parfois, changent un peu de place, d'une certaine manière, dans l'intrigue, et ça fait aussi travailler tout cet aspect-là. Et par exemple aussi, je trouve que parmi les autres éléments qu'on peut voir comme d'inquiétante étrangeté, il y a aussi le formidable travail d'Hoffman sur la langue. Qui est, par exemple, quand il dit et qui est repris au cinéma parfois, c'est-à-dire par exemple quand il utilise un terme comme Augenblick qui signifie moment et qui est en fait où il y a Augen dedans, c'est-à-dire les yeux, comme on est sur le thème Augen, de l'énucléation et qu'on est... Sauf qu'en allemand, ça c'est fascinant parce que les Allemands, eux, n'entendent pas ce mot-là dans Augenblick. Ils entendent Augenblick. Il faut venir d'une langue étrangère pour reconnaître ce signifiant-là. Exactement, mais d'une certaine manière, elle fait sonner un peu différemment, peut-être même aussi chez les Allemands. Et même, par exemple, quand il utilise quand il parle de Taschen Perspective, c'est-à-dire de la longue vue ou de la lorgnette de Nathanaël, à un moment, il dit perspective pour aller plus vite, mais en fait, la perspective, c'est aussi le point de vue. Donc, il y a toujours cette idée du regard qui est présent un peu partout dans le texte. Et par exemple, dans Miss Peregrine, par exemple, que ce soit dans le livre de Ransom Riggs ou que ce soit dans l'adaptation de Tim Burton, quand par exemple il dit qu'il va sur l'île, qu'il se dit Island, et ben en fait on entend I aussi. Island, donc le pays de l'œil. Donc il y a toujours. Vous savez, on est dans notre quatrième épisode, vous nous refaites le premier, je vous en remercie parce que le premier nous avons commencé par cette question. Est-ce qu'il faut être étranger pour voir l'étrange? Et vous dites que les choses étranges des films sont encore mieux perçues si on passe dans une langue étrangère. France Culture, avec philosophie, Géraldine Mulman. Je pense que les monstres représentent deux possibilités. Ça dépend de votre idéologie. Les monstres peuvent représenter l'autre en tant que différent ou l'autre en tant que quelque chose que l'on doit embrasser pour se reconnaître soi-même. Je reconnais ma faillibilité dans les monstres. Je crois que les monstres nous disent que ça va, c'est bien d'être imparfait et d'être vivant. C'est ce que nous sommes. On devrait nous donner la permission d'être des monstres et pas tenter de le dénier. Il y a une loi en métaphysique qui dit que plus vous tentez de le cacher, et plus cela ressort. Et donc si vous êtes un monstre et que vous le reconnaissez, vous reconnaissez votre imperfection, c'est très libérateur. C'était le réalisateur Guillermo del Toro qui affirme son amour des monstres, enfin ceux que nous considérons comme les monstres, en nous disant que les monstres mauvais, en fait, c'est seulement en nous qu'ils sont. Il est le réalisateur de La Forme de l'eau, ou encore d'un film qui s'appelle Le Labyrinthe de Pan, où effectivement les monstres apparents sont très gentils. L'un d'eux est enfermé dans la The Shape of the Water, et une sourde et muette qui est employée du laboratoire tombe amoureuse de lui. Quelque chose d'assez beau se joue entre eux. Et dans Le Labyrinthe de Pan, le vrai méchant, c'est pas du tout le monstre qui s'y trouve, mais c'est plutôt le capitaine franquiste incarné par Sergi Lopez. Donc, auriez-vous, les uns et les autres, quelque chose à dire sur la bonté des monstres étranges dans les films fantastiques qui semblent a priori, mais seulement a priori, contrer la thèse de Freud. Voulez-vous commenter cela, vous qui êtes un spécialiste de Shining et qui peut-être n'êtes pas immédiatement habitué à ce point de vue, à Nîmes, je vous écoute, Loïc Le Bihan. Écoutez, oui. Alors, si vous me permettez, on peut revenir à Shining, parce que le monstre, le personnage de Jack n'est pas dans le film Shining présenté tel un monstre de fabulaire, tel un monstre de conte. Ce qui est beaucoup plus le cas, effectivement, dans la cinématographie dont vous venez de parler. Mais par contre, chez King, dans le roman de King, le personnage de Jack se transforme en monstre, littéralement. Et il est quelque chose de très effrayant pour le personnage de Danny dans le roman de Stephen King. Et il me semble que, d'une certaine manière, le monstre qui apparaît tel un personnage qui peut être repoussant dans son apparence, dans sa figuration, et pourtant se présenter comme accueillant ou comme gentil, témoigne vraisemblablement d'un dépassement de l'inquiétante étrangeté. Dans le texte de Freud, il y a deux groupes d'inquiétante étrangeté qui sont distingués. Il y a d'une part l'inquiétante étrangeté qui se rapporte au retour de convictions primitives dépassées ou de croyances en fait dépassées, animistes par exemple, et qui font retour sous la forme de ce que Octave Manoni appellerait un je sais bien, mais quand même. Et il y a le groupe de l'inquiétante étrangeté qui est lié, là, beaucoup plus personnel et beaucoup lié au retour de complexes infantiles refoulés. Et il me semble qu'effectivement, et c'est bien ce qu'il dit dans son texte, que on peut très bien avoir affaire à des monstres ou à du monstrueux, mais à partir du moment où on est dans les conventions du merveilleux, en fait, ça ne produira pas l'inquiétante étrangeté parce qu'on reste du côté je c'est bien, d'une certaine manière, comme le dirait Manoni. Et non pas du « mais quand même ». Le « mais quand même », il va revenir s'il y a vraiment quelque chose qui trouble dans le monstre, au-delà de sa seule apparence. Enfin, c'est ce qui me... Oui, on vous a entendu. Isabelle Moi, ce que je trouve extraordinaire dans le passage que vous venez de diffuser, là, c'est la manière que le réalisateur a de parler du fait d'embrasser le monstre en nous, d'embrasser le monstrueux en nous. Cette manière de presque de réconciliation. Et c'est ça aussi la figure du double, enfin, cette division-là à laquelle on n'a pas accès. Donc, les monstres gentils, si j'ose dire, c'est aussi une manière de figuration d'embrasser l'étrangèreté en nous, de la supporter et même de peut-être non seulement de la reconnaître mais de faire avec, si j'ose dire, d'une manière très profonde, sur un mode de réconciliation avec soi, quoi, avec ce qu'il y a de plus étranger et donc aussi de plus inquiétant en soi, au fond de soi. Isabelle Alfandari, Freud dit dans son texte « L'inquiétante étrangeté », il est d'ailleurs très modeste dans ce texte à la fin, il dit « La fiction a des pouvoirs supplémentaires, évidemment, par rapport au réel. » Et donc, l'inquiétante étrangeté, parfois, ça n'est pas inquiétant, alors que ça arriverait dans la vie, ce serait très inquiétant. Il sait donc très bien que la fiction peut inventer des monstres qui sont très doux, qui sont aimables, alors qu'évidemment, n'importe quel monstre qui apparaîtrait dans notre quotidien avec ce genre d'allure, ce serait terrifiant. Oui, et la fiction permet de suspendre, au fond, sans doute certaines dimensions de la crainte ou de la menace, et d'approcher comme ça des dimensions qui nous sont plus inconnues. Ça nous permet de nous approcher de nous-mêmes d'une certaine manière que le processus de la fiction. Ça permet de voyager un peu en nous-mêmes sans avoir à être trop immédiatement menacé, on pourrait dire. Tristan Chétrit. Eh bien, pour prolonger ce qui vient d'être dit, Freud fait remarquer que dans les contes, et à chaque fois qu'on est dans des univers où en fait la magie est acceptée, par exemple, eh ben, on n'est plus dans l'inquiétante étrangeté. C'est pour ça que même, par exemple, dans Hamlet, le fantôme, il n'est pas inquiétant. Il n'y a pas de Unheimlich. Ça va avec des procédés, finalement, pour pouvoir créer cette inquiétante étrangeté. Et quand ils ne sont plus là, d'une certaine manière, on n'est pas inquiété. Et on pourrait reprendre aussi ce que cite Freud, c'est-à-dire le texte de Jensch, où il dit... répond à un psychologue qui s'appelle... Comment vous prononcez ? Jensch, voilà. Qui est tombé complètement dans les oubliettes. Mais effectivement, c'est un texte où Freud lui répond. Oui, parce qu'en fait, il a consacré un livre à l'Unheimlich, qui définit par l'étranger. Et Freud explique très bien que pour que l'étranger soit inquiétant, il faut quelque chose en plus. Oui. Donc, ce n'est pas forcément le fait d'être étranger qui devient inquiétant. Et c'est peut-être aussi cette idée-là à travers le monstre. C'est-à-dire qu'à la fois, on a l'humain et on a l'inhumain. Quand on a l'inhumain, on va dire quelque part, ça va peut-être devenir inquiétant. Quand on est face à l'humain, qu'on retrouve l'humain, eh bien finalement, il est amical d'une certaine manière. Il est aimable, il devient heimlich. Et inversement, comme dans les films de Guillermo del Toro, l'humain à côté de soi est beaucoup plus effrayant que le monstre bizarre et au départ troublant. Il y a évidemment un monstre très célèbre dans la culture populaire inventé par E.T., par ce film évidemment, qui montre bien comment, parce qu'on est terrifié au début de E.T., on est terrifié, il faut le rappeler au début de E.T., comment un monstre terrifiant, d'abord par son absence, puis par sa présence, finit par être, nous faire pleurer à la fin, on veut qu'il reste, enfin on veut le prendre dans ses bras. Et parce qu'on voit toute son humanité, en réalité. Et il recherche, d'une certaine manière, la même chose que beaucoup de personnes, c'est-à-dire retrouver sa maison. De retrouver, finalement, on retrouve l'idée de Heimlich, finalement. Cette idée de retrouver... Spielberg a peut-être interprété littéralement, en effet, cela en terminant sur cet enjeu de retourner dans ma maison. Spielberg freudien, Isabelle Alfandari, de toute évidence. Sans doute, et tous les réalisateurs américains deviennent freudiens. Mais pourquoi pas, enfin, oui. Et puis E.T., de fait, il y a quelque chose où finalement le plus inquiétant devient le plus désirable aussi. Il y a quelque chose qui se retourne, mais en fait qui était toujours déjà présent. Simplement, dans l'inquiétant, on ne reconnaît pas la part de soi qui se réapproprie, enfin, dont on est capable de se réapproprier quelque chose dans le temps. Je vous laisse le dernier mot, Loïc Le Bihan. E.T., c'est l'envers de Shining, quoi. C'est le contraire. Ce qui est à peu près normal au début de Shining finit en horreur, alors que ce qui nous fait totalement peur au début d'E.T. se termine en quelque chose de très doux, de très familier, qui évoque la maison. Je vous laisse le dernier mot, mais hélas, il n'y a pas beaucoup de temps, hein, donc oui. Une minute. Avec quand même un lien qu'on pourrait faire dans cette espèce d'objet qui circule de l'un à l'autre, la balle de tennis dans Shining et de mémoire dans E.T., un espèce d'objet aussi d'échange, dans les tout premiers échanges, avant même que le personnage d'E.T. ne se montre au jeune garçon, d'un aller-retour d'objet qui est renvoyé. Donc il y a quelque chose du Forda là-dedans sans doute. Mais je voulais juste quand même dire, parce que c'est peut-être le contre-champ, on a vu comment effectivement, dans le cadre du merveilleux, quand la convention est là, ça nous protège de l'inquiétante étrangeté, d'une certaine manière, c'est qu'on peut affronter la monstruosité en étant protégé d'une certaine manière contre le risque de l'inquiétante étrangeté. Mais moi-même, par exemple, pour sortir complètement de cette cinématographie-là, je ne connais pas de cinématographie qui soit plus inquiétante, étrangement inquiétante que celle d'Antonioni, par exemple. C'est un cinéaste dans sa filmographie, on peut prendre à peu près tous les films d'Antonioni, il y a toujours une ou deux scènes qui vont être foncièrement un Heimlich. On pense à l'éclipse, par exemple, dans lequel, à un moment donné, un personnage féminin voit son conjoint dans une posture complètement figée et avec elle, on est dans l'inquiétude extrême de ce que, à quoi on a affaire. Merci, on revient. J'aime beaucoup, on revient à la case départ, puisque c'est quand même aussi la question de la mort qu'à travers, le complexe de castration, Freud évoque dans l'inquiétante étrangeté. Merci pour pour vos éclairages qui donnent envie de voir encore plus de films. Merci donc Tristan Chétrit, Isabelle Alfandari et Loïc Le Bihan pour nous avoir éclairés sur cette question. Est-ce que l'étrange est toujours inquiétant ? C'est l'heure de la chronique de Frédéric Worms. Comment se sent-on chez soi ? L'une des expériences les plus profondes de la vie humaine est peut-être celle du déménagement, du fait de changer de lieu, du changer de chez soi, et justement parce que cette expérience, bizarrement, peut être heureuse, peut être joyeuse. Oui, il y a des déménagements heureux. Bien sûr, il y a aussi des déménagements malheureux et même des déménagements forcés ou violents. Il y a des expulsions, il y a des déportations, il y a des pratiques humaines qui font que les êtres humains ne se sentent plus chez soi nulle part, se sentent déplacés, et c'est peut-être l'une des violences les pires. Mais le fait qu'il y ait des déménagements heureux nous montre aussi en profondeur ce que c'est qu'habiter quelque part, ce que c'est qu'habiter dans un lieu, parce que précisément nous pouvons habiter en plus d'un lieu. D'ailleurs, les enfants dans nos sociétés au moins le savent bien, car il y a des sociétés où les êtres humains restent ensemble toute leur vie, dans le même lieu, dans le même chez eux, et peut-être est-ce plus compliqué que cela malgré tout. Et puis dans nos sociétés, les adolescents, par exemple, quittent le chez-soi des parents pour inventer le leur, et ils relient le monde comme par des points, des lignes magiques, d'un chez-soi à un autre, en comprenant que ce n'est pas si exclusif que cela en a l'air. Car précisément, qu'est-ce que c'est qu'être vraiment chez-soi ? C'est une expérience profondément et inévitablement relationnelle. Il y a bien sûr dans un chez-soi quelque chose de nous-mêmes, quelque chose d'un soi qui dispose ses signes, sa subjectivité, qui se situe dans le monde à partir d'un centre et pour pouvoir en rayonner. Mais le fait que ce chez-soi ne soit pas si exclusif, c'est justement le fait que nous avons d'ailleurs d'abord été accueillis par d'autres, été accueillis chez d'autres, et que nous sommes heureux aussi d'être invités chez les autres. Et ce chez-soi est profondément relationnel, car se sentir chez soi d'une manière heureuse, c'est construire un espace accueillant, un espace où nous pouvons non seulement vivre, mais aussi recevoir, inviter, faites comme chez vous, dites-nous à ceux et celles que nous accueillons. Et se faire comme chez soi est une condition pour que les autres perçoivent dans ce chez soi un soi véritablement singulier. Mais encore une fois, il peut y avoir des malheurs du chez soi, le malheur de ne pas en avoir ou le malheur de le fermer radicalement, comme dans ce film sur les extrêmes en France qui s'appelait On est chez nous, ce chez soi de la violence, cette réduction du chez-soi à un entre-soi. Or, d'une certaine façon, c'est tout le contraire qui nous fait le bonheur du chez-soi et l'expérience du déménagement heureux, de l'emménagement, du transport d'un lieu à un autre, cette vie possible entre plusieurs lieux où l'on redispose ses signes familiers, ses souvenirs, où l'on dessine une carte à la fois fixe et mobile sur la planète qui n'est pas ainsi anonyme et neutre, eh bien cette pluralité des chez-soi est peut-être un juste milieu entre cette exclusivité possessive et violente d'un côté et ce vide anonyme d'une supposée ouverture sans lieu, sans partage et sans déplacement. Nous avons tous une carte du tendre, une carte du monde, une étoile polaire, une étoile filante sur le monde qui nous permet de nous y orienter. Nos émissions peuvent être retrouvées en podcast sur le site ou avec l'application de Radio France. Cette émission d'aujourd'hui a été réalisée par Riyad Kera avec à la technique Noé Chaban. Elle a été préparée en particulier par Carla Michel et toute l'équipe d'Avec Philosophie, Marine Boudalier, Chaïma Giboire, Anna Fulpin et Antoine Ravon. Vous êtes bien sur France Culture, vive la curiosité!